بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 75 75 لسون توجور دون كتاب السيرة لوسكي توش أو صحابة. قال في السؤال 89 بعد 400 489 كيستيون. يقول من هي المرأة التي سباها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر ثم أحتقها وتزوجها. كي لا فام كي تي فيت بريزونيير بار النبي صلى الله عليه وسلم lors de la bataille de Khaybar puis qui a été libérée et puis avec qui il s'est marié. Il s'agit de Safiya bint Huwayy. Safiya bint Huwayy. Quand on a le hadith de Anas ibn Malik رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a fait la bataille de Khaybar, il y a un sahabi qui s'appelle Dihya. قال يا رسول الله أعطني جارية من الصبي. Il lui a dit de lui, il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم de lui passer une jeune fille, c'est-à-dire parmi la part du butin dans les captives. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم قال اذهب فخذ جارية. Il a dit vas-y et prends-en une. Fait il a pris Safiya bint Huwayy. Et un homme a vu cela et il s'est rendu auprès du prophète صلى الله عليه وسلم. فقال أعطيت دحية صفية بن حوي سيد قريظة والنضير ما تصلح إلا لك. Et après cet homme a dit au Nabi صلى الله عليه وسلم tu as donné à Dihya Safiya, la fille de Huwayy, qui est le chef de Qurayza et des Nadir, et cette femme-là ne convient qu'à toi. C'était une femme importante. Enfin, quand j'ai une femme, c'était, elle est encore jeune. Après le Nabi صلى الله عليه وسلم, il a dit Udruhu biha. Appelez-le qui vient avec elle. قال فجاه بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من الصبي غيرها قال فأحتقها وتزوجها. Donc là, car Safiya c'était une juive, une katabiya, la fille d'un chef de tribu parmi les juifs. Donc cet homme l'a dit, cette jeune fille ne convient que à toi, c'est une fille à la base d'un statut social important. Donc Nabi Sallam l'a dit, venez appelez-le, c'est-à-dire Dihya qui vient avec elle. Et lorsqu'il est venu, qu'il a vu Safiya, il a dit, prends-en une autre. Elle laisse là, prends-en une autre. Après, il l'a libérée et puis s'est marié avec elle. Un hadith muttafaqun alayhi. Thumma qala fi as-su'al al-wahid wa tisim bad 400, 493 question. Man sayyida shabab ahl al-jannah. Qui sont les maîtres des jeunes, des gens du paradis? Il s'agit de Al-Hussein et de Al-Hussein. تمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. كل المصطفى صلى الله عليه وسلم قال qu'ils sont les maîtres des jeunes du paradis. Et ils sont ses petits-fils. Comme vous savez, ils sont les fils de Fatima et de Ali. Et Fatima est la fille du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. ثم قال في السؤال الثاني والتسعين بعد 400 492 question. من ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا. Quels sont la source de joie, on dira comme ça, car à la base ريحانة c'est une plante qui sent qui a une forte odeur très bonne. D'accord, c'est une plante qui sent très bon, qui est très appréciée. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم nous a comparé à cette plante là, mais dans le sens qu'il veut dire par là qu'ils sont ce qui lui apporte un bol d'air, on va dire, et une part de bonheur en ce moment. C'est pour ça que je n'ai pas traduit au mot près, mais au sens. Et apparemment, le Reihan, ce serait soit du basilic, ou soit du myrte. Je ne connais pas le myrte, le basilic, je connais comme étant une plante que l'on met dans la nourriture, mais l'odeur, je ne sais pas si c'est la même plante, ou le myrte et le basilic sont deux plantes différentes. Donc il dit également, ce sont Al-Hassan et Al-Hussein. Également Al-Hassan et Al-Hussein. Comme dans le hadith de Abdullah ibn Omar, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos du Hassan et Al-Hussein, quand les Huma rihainata yamin dunya. Ou le hadith rapporté par le Bukhari, donc le Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit lui-même. Quand le Fisoual al-Thalith wa Tis'in, bab 400, 493e question. Manu asadullah wa asadu rasoulihi sallallahu alayhi wa sallam. Qui est le nom d'Allah et le nom de son messager? Il s'agit de Hamza ibn Abi Talib, c'est-à-dire Hamza, qui était l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hamza qui était le frère de son père. Donc il a été qualifié de la sorte. Et d'ailleurs lui-même, Hamza, avant de rentrer en islam, était un chasseur de lions. Il chassait le lion. Ce qui démontre déjà le grand courage qu'il devait avoir. Et c'est un homme qui avait, qui, comme Omar ibn Khattab, par exemple, c'est des gens qui avaient une grande prestance au sein de leur peuple, qui étaient respectés, qui étaient très craints. Et que leur présence en islam a apporté un renfort considérable aux musulmans. Cependant, Hamza a été tué en shahid. Radiallahu anhu. قال في السؤال الرابع والتسعين بعد 494 question. من هو ترجمان القرآن وحبر الأمة؟ Il dit qui est donc l'interprète du Coran et le Hibr. Le Hibr à base, c'est un savant. C'était les savants chez les Bani Israël. Mais là, il fait une comparaison qui est le Hibr, c'est-à-dire de cette Ummah chez les musulmans. Il s'agit de Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نعمة ترجمان القرآن ابن عباس ولو أدرك أسناننا مع عشره منا رجل مع عشره منا رجل كابن مسعود qui lui-même à la base était l'homme le plus savant du Coran à son époque, d'accord, de son vivant, il a dit que à propos de Ibn Abbas, il a dit quel grand interprète, quel bon interprète du Coran qui est Ibn Abbas. Que si jamais il avait une autre âge, personne n'aurait pu le concurrencer. C'est-à-dire au niveau de science. Car Ibn Abbas était très jeune. Il était plus jeune qu'Ibn Mas'ud. D'accord ? Donc il a appris d'Ibn Mas'ud, il a appris de beaucoup des Sahaba. Mais comme ces gens-là avaient pris de l'avance sur lui, ils étaient bien plus savants que lui. Mais par la suite, Ibn Abbas, quand les Sahaba sont morts, il a continué à vivre. Un long moment, et il a continué à apprendre. Il est devenu extrêmement savant. Il était l'homme par la suite le plus savant dans le Coran. Également, Fissuel al-Khamis wa Tissain bad Arbaamiya, 495e question. Manuel Lazikana yutrilu Omar ma Ashir Badr. Qui est celui que Omar faisait rentrer dans son assise de consultation avec les Mashir de Badr? Et il s'agissait de Abdullah ibn Abbas, Kazalik, car eux-mêmes disaient, pourquoi veux-tu rentrer cet homme, ou plutôt cet enfant, ce jeune garçon? Nous avons aussi des jeunes garçons, ça veut dire qu'ils le voyaient comme étant petit, qui n'était pas à sa place au milieu d'eux. Et de là, Omar ibn Khattab, justement, les a testés et a montré son savoir. Quand il a interrogé Ibn Abbas en disant, que dis-tu à propos de Qawluna Azza wa Jal, il est déjà Nasrullahi wal Fath, wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. فسبح باسم ربك واستغفر انه كان توابا. Surat An-Nasr, le secours. Et il a interrogé tout d'abord les mashir de Badr. Que dites-vous à propos de ce verset, de cette sourate? Et dire différentes choses. Et après, il demande à Ibn Abbas, toi que dis-tu à propos de cette sourate? Et il dit que Allah Azza wa Jal a annoncé à son prophète que son heure était proche. Donc, de le glorifier. C'est ça l'interprétation de base de cette sourate. Et Omar, il a dit, je ne connais de cette sourate que ce que tu viens de dire là également. C'est-à-dire qu'il a montré à ces gens-là que c'est Ibn Abbas qui avait raison, qu'il était plus savant que lui sur certains points, donc il n'était pas un enfant à sous-estimer et à dire qu'il ne méritait pas d'être avec eux. Au contraire, il méritait d'être là pour le grand savoir qu'il avait. Et c'est là qui démontre la grande valeur qu'on apporte à celui qui a de la science, même s'il est jeune. Cela est venu dans des affaires de plusieurs salafs. Fallen, il y en avait un, je l'ai oublié comment il s'appelle. C'était un homme qui n'avait pas de cou. Il n'avait pas de cou, il avait la tête directement sur les épaules. C'est une histoire qui est vraie. Et lorsqu'il a commencé à grandir, sa mère lui a dit, oh mon fils, je ne vois que seule la science pourra t'élever. Si tu restes comme ça, les gens vont te mépriser et te rabaisser. Et il a appris, il a fait Talab el-Ilm apprendre de devenir un imam et que les gens venaient vers lui de toutes les contrées pour apprendre. À Mecca. C'est une référence. D'autres étaient des esclaves à la base. Ils ont appris, ils sont devenus encore plus hauts que leur maître. Et plus haut que même des gouverneurs. Également, parmi les choses qui prouvent la valeur de la science, le chien dressé, Al-Mu'allam. Le chien dressé, Al-Mu'allam. Allah Azza wa Jalla l'a élevé à celui qui n'est pas dressé. Car celui qui est Mu'allam, lui, il est permis qu'il prenne notre gibier dans sa bouche et qu'il nous le rapporte. Alors que si jamais c'est un chien qui n'est pas dressé qui le prendrait, cette nourriture ne serait pas permise. Par exemple, lorsqu'un chasseur y chasse, il dit Bismillah. Il tue une proie. Ce chien dressé va chercher la proie et la ramène. cette proie-là est halal. D'accord ? Du fait que le chasseur a dit bismillah avant de la tuer et que c'est un chien dressé qui l'a ramené. Mais si jamais ça avait été un autre chien que celui-là qui l'aurait ramené, elle n'aurait pas été rendue permise. Donc vous voyez la valeur, même avec un chien, qui était plus élevé qu'autrui par rapport à l'autre chien. ثم قال أنا وقفت طيب في السؤال 96/400 كالسؤال كيستيون من هو الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه سيف من سيوف الله كي هو الصحابي صلى الله عليه وسلم ذكر une épée parmi les épées d'Allah عز وجل il s'agit de Khalid ibn Walid تمام خالد بن وليد Et lorsqu'on dit Saif min Suyufillah, une épée d'Allah, ça ne veut pas dire qu'Allah a pour attribut d'avoir une épée. Non, ça c'est un ennoblissement, un tashrif. C'est que lorsqu'on dit Naqatullah, la chamelle d'Allah, ou Baytullah, l'abs d'Allah, ce ne sont pas des attributs d'Allah, azawajal. Ce sont des choses qui ont été attribuées pour ennoblir cette chose-là. Pour dire que c'est Allah qui les a choisis. D'accord ? C'est Allah qui les a choisis. Et c'était le dalil de la bataille de Mouta, dans laquelle furent tués, cela va venir par la suite, plusieurs des Sahaba. Et puis c'est Khalid qui a pris la relève. Il a même combattu, il a à point de casser, de briser 9 épées. Lors de ce combat, il a brisé 9 épées. Pour dire la dureté de ce combat. Et par la suite, il a fait face, lui, ses troupes qui étaient à peu près 2000 hommes ou 3000 hommes, face à plus de 300 000 soldats parmi les Romains. Et malgré cela, ils ont sorti indemnes. Quand je dis indemnes, du milieu de leurs ennemis. Et Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a appelé cela comme étant une victoire. Le fait que les musulmans sortent du sein de leurs ennemis dans un combat qui paraît comme étant perdu à l'avance, cela est appelé une victoire. Et à ce qui paraît, même à notre époque, des gens parmi les savants chez les koufars, des gens de la guerre, étudient encore comment est-ce que Khalid a pu faire pour accomplir ce prodige. De combattre ses troupes aussi nombreuses, d'en être sorti avec ses troupes à lui. Qui est celui qui a reçu une voix magnifique comme la voix des gens de Daoud. Il a comparé cela à l'instrument, mais c'est pour dire qu'il avait une belle voix. Et c'est Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Comme a dit le hadith, Abu Musa nafsi, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ya Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamir al-Daoud. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le dit clairement. Oh Abu Musa, tu as reçu une voix magnifique comme les voix des gens de Daoud. Et le hadith, il est muttafaqun alayhi. قال من هم اكثر من روى الاحاديث من الصحابه qui sont ceux qui ont rapporté le plus de hadith parmi les sahaba. On appelle ça les mukthirun. Ou plutôt afwan. Ça c'est la question d'après. Là c'est plutôt qui est celui qui a rapporté le plus de hadith. Non. Et c'est معروف que c'est Abu Huraira. C'est Abu Huraira qui a rapporté à peu près plus de 5000 hadith. À savoir qu'il n'a vécu que 3 ans à peu près avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est lui qui a rapporté le plus de hadith. ثم في سؤال 99/400 499e question. Là c'est là qu'il dit qu'ils sont ceux qui ont rapporté le plus de hadith parmi les sahaba. Car Abu Huraira est celui qui en a rapporté le plus, mais d'autres sahaba également ont été reconnus de la sorte. Et ils sont Abu Huraira et Ibn Omar et Anas ibn Malik et Abu Sa'id al-Khudri. Et Ibn Abbas, et Jabir ibn Abdullah, et Aïcha. Et Aïcha. Et regardez bien, tous ces Sahaba étaient tous jeunes. Tous très jeunes. Et quant à Ibn Abbas, en réalité, Ibn Abbas, il n'a pas entendu beaucoup de hadith car il était petit lors du vivant du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il était très, très, très jeune encore. Cependant, il a entendu ça des autres compagnons, de beaucoup de compagnons de hadith. Donc il en a rapporté beaucoup. Ce qu'on appelle Mursal Sahabi. C'est-à-dire qu'il n'a pas entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, il a entendu des autres Sahaba. Donc ça appelle ça un Mursal dans la source du hadith. à la base. Mais quand ça vient d'un sahabi, ça s'appelle Mursel Sahabi. Et mais comme les sahaba, à la base de Mursel, c'est un hadith qui est jugé comme étant faible. Car en fait, c'est un hadith rapporté par un tabi'i directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est le sahabi qui l'a entendu. Donc il y a une coupure dans la chaîne de narration. Sauf que là, comment dire, le tabi'i dans le Mursel, on ne sait pas de qui l'a entendu. Car il se peut qu'il y ait d'autres tabi'i entre lui et le sahabi du hadith. Peut-être qu'il y a une personne, deux personnes, trois personnes avant d'arriver au sahabi et après au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith est jugé, le Mursel, comme étant faible. Cependant là, le Mursel du sahabi, c'est un autre jugement. C'est un sahabi qui a entendu le hadith d'un autre sahabi qui lui l'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahabas, on l'avait dit au début, sont tous odoul, tous fiables. Donc le fait de ne pas savoir de qui, de quel sahabi ce même sahabi a entendu, ce n'est pas un problème. Car il a forcément entendu quelqu'un de fiable. Donc c'est accepté dans l'absolu. D'accord ? C'est accepté dans l'absolu. Même Abu Huraira, il y a des hadiths qu'il a apportés, il ne les a pas entendus lui-même. Il les a entendus de d'autres sahabas. Mais sachant que ça vient de d'autres sahabas et de personnes d'autres, le hadith l'est accepté car il n'a entendu que d'une personne qui soit fiable. Le plus fiable possible qui sont les sahabas. Alors là, il y a un nom. في سؤال الخمسمية من هم العبادلة الأربعة كيسون العبادلة الأربعة الكاتخ العبادلة en fait c'est un pluriel, une forme de pluriel pour dire les quatre qui s'appellent Abdullah, les quatre qui s'appellent Abdullah. Donc les عبادلة ils sont Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Omar ou Abdullah ibn Zubayr. Ces quatre là sont les عبادلة et ils ont vécu très longtemps. Et maintenant, déjà, on pourrait dire pourquoi est-ce qu'Abdullah ibn Mas'ud n'en fait pas partie, car il est mort avant que ces jeunes-là ne grandissent et ne se fassent connaître comme ils ont été connus comme étant les Abadila. Il est décédé auparavant. Naam. Fabien d'Akonakati. Walhamdulillah.